Bonjour mes frères et sœurs, encore ce matin, nous allons continuer de regarder Matthieu, chapitre 2, et nous allons continuer à faire la suite sur la naissance royale, pas la naissance royale, mais sur l'enfance royale de Jésus. Sa naissance était royale, son enfance était royale. Nous allons continuer à voir ça ce matin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de ce roi, un roi peut être appelé roi seulement s'il y a un royaume. Ce serait pas tellement intelligent de dire qu'il y a un roi sans royaume, comme on dirait qu'il y a un berger et il n'y a pas de mouton. Jésus est un roi, donc il y a un royaume, donc il y a des sujets. Et nous sommes, par ta grâce, par ta souveraineté, par ta miséricorde, par ta compassion, par ton pardon, nous faisons partie de ce peuple. Nous voulons être convaincus qu'il est bien le roi par les Écritures. Et donne-nous de bien comprendre, afin de bien être capable d'expliquer aussi, après l'avoir bien compris pour nous, de l'expliquer à d'autres, de convaincre d'autres que Jésus est le roi du monde. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Dans les monarchies, quand un roi prenait possession de son royaume, suite par naissance ou parce que son père était mort, il devenait roi, ou il avait fait la guerre et il devenait roi, la première chose qu'il faisait, bien souvent, c'était de faire mourir les autres qui avaient le potentiel de devenir roi. Et on faisait mourir toutes les familles royales, femmes, enfants, petits-enfants, tout ce qui était royal, on les faisait mourir afin qu'ils ne veulent pas reprendre le trône. Quand on faisait les guerres, la première chose qu'on faisait, on déportait les rois et souvent on les faisait mourir. On les mettait en prison. Afin qu'ils ne veulent pas relever une autre armée pour faire la guerre. Ou quand on a vu dans certaines histoires que des frères, des femmes aussi, des reines, quand ils viennent au pouvoir, font mourir leurs frères, leurs sœurs, afin de ne pas avoir de compétition. Et ici, quand, après la visite des rois mages, qui ont bouleversé le roi en place, si Hérode ne se serait pas senti menacé, il n'aurait pas fait ce qu'il va faire, ce qu'on va voir ce matin. Jésus a une enfance royale parce qu'on vient lui emmener des cadeaux royaux. On vient se prosterner devant lui. Les hommes les plus importants de l'Est viennent se prosterner devant lui. Et il l'adore. Donc, si tu n'es pas un enfant roi, ça n'arrivera pas ça. Ça ne m'est pas arrivé, moi. « Oh, ma maman a probablement dit, comme toutes les mamans du monde, « Oh, es-tu mignon, je l'adore. » Oui, oui, ça c'est correct. Mais ça, c'est pas ça qu'on voit ici ce matin. Ça, c'est la première chose. Nous allons voir une deuxième, ce matin, une deuxième prophétie. La première, c'était « Il est né à Bethléem », comme ça avait été prophétisé. Maintenant, il va accomplir une deuxième prophétie. Nous allons lire à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, après que les mages sont partis, Joseph, encore une fois une intervention divine, Dieu protège son roi, Dieu l'annonce par les mages, et il protège le roi d'Hérode par les mages, et il va protéger l'enfant roi, encore une fois, d'Hérode, par une autre visite divine, un autre avertissement divin, et il demande à Joseph et à Marie de fuir Jérusalem et d'aller se cacher en Égypte. Dieu aurait bien pu protéger Jésus d'une autre façon. Dieu aurait bien pu dire, « Ben, je vais faire mourir Hérode. » Tac, puis Hérode s'est tombé mort, puis ça a été fini. Mais il veut donner à son peuple les preuves que cet enfant est bien l'enfant promis, l'enfant Messie, l'enfant roi. Donc Joseph se lève après avoir été divinement averti et il part et va en Égypte. Le but d'aller en Égypte, Dieu aurait bien pu le protéger autrement, son fils Jésus. Mais il l'envoie en Égypte afin que s'accomplisse une autre prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Comment est-ce que le fils de David, qui était un juif, qui était né à Bethléem, comment pouvait-il accomplir la prophétie de sortir de l'Égypte s'il n'y entre pas? Donc, ici, Dieu envoie en avertissement Joseph et Marie, il les envoie en Égypte et il va les rappeler. Il va les faire sortir de l'Égypte. Donc, pour le faire sortir, il faut qu'il lui rentre. Deuxième prophétie. Cette prophétie-là disait que le Messie sortirait de l'Égypte. Et Jésus va sortir de l'Égypte. On va voir cela en lisant à partir du verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Une autre prophétie. Donc, on en a vu deux, nés à Bethléem, sortis de l'Égypte. Ici, quand Hérode s'aperçoit qu'il a été roulé, trompé par les mages, il se met en colère. Et c'est pour ça qu'on pense que ça faisait peut-être, quand les mages sont venus, peut-être 1 an ou 2, que Jésus était né parce que Hérode fait tuer les enfants de 2 ans et moins. Parce qu'il avait parlé avec les mages et ça faisait, selon ce que je peux comprendre, peut-être 2 ans qu'ils avaient vu cet astre lumineux et le temps de partir et de s'en venir en chameau ou comme avec un autre moyen qu'il y avait dans ce temps-là. C'est des milliers de kilomètres s'en venir. Donc, ils ont peut-être pris peut-être 1 an s'en venir. Se préparer à s'en venir. Donc, imaginons 1 an ou 2. Mais lui, pour être certain, il fait mourir tous les enfants en bas de 2 ans. Ça a dû être une journée ou quelques jours, une semaine infernale à Bethléem et dans les environs. Imaginez cela. Des soldats qui parcourent toute la ville et toute la contrée qui entoure Bethléem et qui tuent par l'épée tous les enfants mâles en bas de 2 ans. Quelle folie! que l'être humain. Mais ceci, encore une fois, accomplit une prophétie. Verset 18. Des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Parce que Rachel avait vécu à Bethléem. Ici, je me souviens bien, il faudra peut-être vérifier, mais elle était enterrée à Jérusalem. Non, c'est quoi que c'est bien ça. Elle était enterrée à Jérusalem. Quand je suis allé à Jérusalem, quand j'ai visité, moi, Jérusalem, j'ai été au tombeau de Rachel. Donc, on avait dit, quand le Messie viendrait, au moment où le Messie serait là, qu'il y aurait une grande tristesse à Bethléem. On ne savait pas. Et que ça concernait les enfants. Parce qu'elle dit, ses enfants ne sont plus là. Elle pleure, ses enfants. Et ceci, c'est accompli à ce moment-là. Donc, il y avait encore un accomplissement prophétique par rapport à la naissance de Jésus. Né à Bethléem, fuite en Égypte, mort d'enfant à Bethléem. Tout ça concernait le Messie. Tu sais, tout ça était regardé par ceux qui étudiaient les Écritures comme étant des prophéties qui accompagneraient la venue du Messie. Et nous allons regarder la dernière. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archéalus régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y s'y rendre. Et, encore une fois, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes et sera appelé Nazaréen. Donc, Joseph, divinement averti, fuit en Égypte et divinement averti, revient de l'Égypte. Dieu dit, retourne en Israël. Joseph, humainement parlant, ne veut pas aller vivre à Bethléem ou proche de Jérusalem parce qu'il a encore peur que le fils d'Hérode réagissent. Parce que c'est certainement que le fils sait ce que le père pensait. Et il espère que le roi est mort quand ils ont tué les enfants. Il reste-t-il un doute, peut-être. Mais Joseph, lui, dans sa nature humaine, a peur. Donc, il décide de se retirer à Nazareth. Divinement averti. Voyez-vous que les hommes font des choix basés sur leur pensée humaine. Mais Dieu, lui, dirige les hommes et il l'emmène à Nazareth afin qu'il s'accomplisse la prophétie. Il sera appelé Nazaréen. Donc, il y avait une prophétie qui concernait le Messie. On va l'appeler Nazaréen. Donc, il faut qu'il vive à Nazareth. Et il n'y avait aucune penser dans les Juifs que le Messie, le roi, serait un Nazaréen ou vivrait à Nazaréen. Quand on a dit à Nathanaël que Jésus était à Nazareth, on dit, va-t-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et ailleurs, on dit, regarde, il n'y a pas de roi qui vient de Nazareth. Mais pourtant, il y avait des prophéties qui disaient, il va être appelé Nazaréen. Parce qu'il a vécu à Nazareth jusqu'à l'âge de 30 ans. Ensuite, il va déménager à Capernaum. Ça, c'est la dernière prophétie. Donc, des prophéties qui démontrent que cet enfant-là est un enfant spécial, un enfant royal. D'abord, il y a des faiseurs de rois qui viennent le trouver et qu'ils se prosternent devant lui, qui lui offre des cadeaux royaux et qui l'adore. Un roi veut faire mourir cet enfant-là parce qu'il se sent menacé dans sa royauté. Et Dieu intervient et dans son intervention l'amène à accomplir de la part des parents qu'ils accomplissent les prophéties qui concernaient le Messie, qui concernaient l'enfant. Donc, cette façon que Jésus, que les parents ont réagi, que le roi a réagi, que les mages ont réagi, démontre que cet enfant-là était un enfant roi. C'est pour ça que j'ai appelé ça une naissance royale. Si Jésus n'avait pas été roi, tout ceci ne serait pas arrivé. Moi, il n'y a personne qui a voulu me tuer parce qu'il avait peur que je prenne leur place au niveau du gouvernement ou au niveau de la royauté. Mais on veut tuer un enfant parce qu'on a, comme Hérode a voulu faire, parce qu'on avait peur qu'il soit, qu'il vienne prendre la place. Donc, Jésus, si je résume nos deux chapitres, Jésus a eu une naissance royale de la part de ses parents, naissance royale de la part de son Père divin, hein, né du Saint-Esprit. Il a une enfance royale parce qu'il a été, on pourrait dire, couronné roi par les mages. Il a une enfance royale parce que le roi en place veut faire mourir ce Jésus-là. Et ce Jésus-là accomplit les prophéties concernait le Messie, né d'une vierge, né à Bethléem, massacre le jour de, au temps de sa naissance, fuit en Égypte, sort de l'Égypte et vit à Nazareth. Ces deux chapitres-là, jusqu'à date, nous démontrent que Jésus est le nouveau roi, roi d'un nouveau royaume. Ce roi-là va sauver son peuple de ses péchés et il va paître ce peuple-là qu'il va être le roi, dont il va être le roi. Notre Père du ciel, on voit bien que tout ce qui se passe est orchestré par toi. L'astre céleste, les mages que tu diriges, les mages que tu renvoies, les anges que tu envoies pour protéger Jésus, la fuite en Égypte, et tout cela est orchestré par toi parce que tu es en train d'établir un nouveau royaume. Et dans ce nouveau royaume, c'est un nouveau roi. Merci de nous montrer que cela est bien arrivé et c'était bien orchestré par toi. Nous t'en bénissons, nous t'en glorifions, nous t'en louons. Amen.